destinée. The study of divides, the quiet national-socialiste. Pourquoi cela veut dire voir se battre, piller, violer, tuer, casser, développer. Que nous tuerons sans pitié. Exécutons les dés maintenant. Ils ne veulent pas mieux que des nerfs.